Le vin de ton amour remplit ma coupe, la coupe de mon cœur qui déborde en un flot, et enivre mon âme de ta beauté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Comment vous allez? On va très bien. Et toi-même? Ah, je vais très bien. Je remercie le Seigneur. Amen. Je remercie pour tout ce qu'il est en train de faire. Mmh. Ça fait longtemps. Mmh. On est ensemble. Ça fait longtemps. Oui. Ça fait longtemps. Et je voulais te parler, au fait, ces deux choses. Mmh. Mais le recording, je vais faire ça. J'ai quelques messages à libérer. Oui. Sœur, et pour les chrétiens qui sont là, qui veulent servir le Seigneur, je vais libérer quelques messages. Après, hein, je vais vous parler de quelque chose. Ça, en off quoi? Oui. Yes. Donc, je voulais parler à mes frères et sœurs chrétiens qui veulent servir le Seigneur. Le Seigneur m'a demandé de faire le jeûne de Daniel. Mmh. Dans ce jeûne-là, le Seigneur m'a parlé beaucoup. Mais ce que je veux exposer maintenant. Le Seigneur m'a parlé des chanteurs. Mmh. Il y a dans le songe, le Seigneur m'a révélé les chanteurs qui allaient dans la mer avec leur liste de chansons. Mmh. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux, je les ai vus, ils sont alignés beaucoup. Et il m'a fait voir un homme que je ne connais même pas, mais c'est un chanteur. Et avec cet homme-là, il y a des deux femmes qui suivaient cet homme. Comme quand les gens chantaient, il y a des gens qui chantaient avec eux comme des filles. Et le Seigneur m'a ouvert premièrement les yeux sur les paupières, les paupières de l'homme. La partie noire de l'homme, de l'œil, là. Oui, au fait, le cils, quoi. Mmh. Le cils. Mmh. Le cils. Oui. L'homme a porté des faux cils. Mmh. Et après, j'ai regardé de l'autre côté. J'ai vu la femme qui portait des lentilles. Des lentilles, des contacts. Des contacts. Mmh. Et dans le songe, j'ai compris que, parce que je voyais les gens qui rentraient dans la mer, et le monsieur là dont je parlais était un chanteur aussi. Et après ce songe-là, je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire? D'un seul coup, je me suis rendormie. Seigneur m'a fait voir les caleçons des femmes. Oui. Les caleçons qu'on appelle tongs. Tongs. C'est une nouvelle moteur de caleçons. Et c'est les caleçons qui sont fines derrière, comme qui se tirent comme des fils. C'est les strings. Derrière, ce n'est pas. Les strings. Les strings. Les strings. OK. Le Seigneur m'a fait montrer les strings. Et toutes ces choses-là, le Seigneur me montrait les sirènes des eaux qui sont derrière toutes ces choses-là. Et le contact, et les fossiles, et les strings. Et après, le Seigneur m'a fait montrer les nerfs, les faux ongles. Oui. Donc, le Seigneur m'a fait vous montrer ces choses-là. Mm. Bien avant ces songes-là, le Seigneur m'a fait montrer les idoles d'Égypte. Mm-hmm. Et quand il m'a montré les idoles d'Égypte, d'un seul coup, j'ai vu une fille que je connaissais avec beaucoup de sons de gens de perruques. Des mm. perruques sur la tête. Des perruques sur la tête mm. qui me montraient. Et j'ai dit, quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire? Et le Seigneur me parlait que toutes ces choses-là, mm. surtout le péril, c'est quelque chose qui vient du Satan, au fait. Mm. Ce sont des choses qui viennent de la culture égyptienne. Mm. Et le Seigneur m'explique. Donc, je voulais interpeller mes frères et mes sœurs chrétiens qui écoutent les musiques, même les gospels, mmh. soi-disant. Oui. Et qui écoutent ça sans te dire si ça vient de Dieu ou ça vient du monde, au fait. Mmh. Parce que ce que le Seigneur m'a montré à de ces chanteurs, que il prend leur voix d'enfer, mmh. il met les choses ensuite pour séduire. Pour séduire. Pour séduire les gens. Et les contacts et les cibles, interpeller mes soutiens qui soutiennent les contacts. Oui. Cils. Les cils, les faux cils et les lentilles de contact. Les lentilles et les faux cils. Yes. D'arrêter de porter ces choses-là parce que ça ne vient pas de Dieu. De Dieu. Il y a un esprit au fait qui travaille et ce sont les esprits des eaux qui travaillent derrière ces choses-là. Et ces choses, cet esprit utilise ces choses pour séduire les gens. Et la musique profane comme les quelques gens du gospel. Nous, les chrétiens, nous devons faire très attention parce que ces chansons-là, si on les écoute, ça nous souille au fait. Ça nous souille. Donc, nous devons faire très attention, nous devons utiliser le discernement sur les chansons que nous écoutons. Et les faux ongles. Oui. Si le Seigneur parle de ces choses-là, s'il révèle ces choses-là, c'est que lui, il n'aime pas ça. Le Seigneur ne veut pas que nous portons ces genres de choses. Le Seigneur ne veut pas que nous portons ces genres de choses. Les perruques, nous devons faire très attention parce que nous, les chrétiens, nous prenons ça et nous mettons ça sur nos têtes. Alors que Dieu ne veut pas que nous nous souillons. Dieu ne veut pas que... parce que le Seigneur m'a au fait dit que nous ne pouvons pas... Il m'a dit que nous ne pouvons pas manger à la table du diable. Et participer par... Donc, nous ne pouvons pas... Si nous devons être avec le Seigneur, oui. nous devons faire ce qui nous sanctifie au fait. Oui. Si nous devons rester dans le monde... Je crois qu'il y a quelques petites interruptions avec la connexion du côté d'Atlanta, de Maryland aux États-Unis. Tu m'entends, ma soeur? Hello? Alors, on tente de se reconnecter du côté d'Atlanta, de Maryland encore. Allô, ma soeur, tu m'entends? Are you getting me? Allô, ma soeur. J'ai tenté de déconnecter encore. Se comparer à toi et mon moment pour vivre la grandeur de Dieu. Ta puissance, pour reconnaître ta majesté, reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai. Oui, mon frère. On a été interrompu là, je crois que la connexion dérangeait là. Et nous sommes, nous, we are back. Continue. Ok. Donc, ce que je voulais dire, oui, c'est que nos sœurs chrétiennes, surtout nous les sœurs, nous devons faire très attention à ces choses-là que j'avais citées. Les périques, le Seigneur m'a montré leur origine, vient de l'Égypte. Il m'a montré leurs idoles aussi. Oui. Le Seigneur m'a montré les contacts. Les lentilles de contact que les femmes mettent à leurs yeux. Oui, les contacts, les lentilles. Ça, c'est pendant les 21 jours de jeûne que Dieu t'a demandé de prendre. Oui, ça c'est pendant les 21 jours. Et les strings aussi. Et les strings. Quel est l'objectif des strings pour qu'une femme porte une corde dans ses parties intimes? C'est les strings. Quand le Seigneur a commencé, les songes de Péric, oui, avaient donné ça avant qu'il me demande de rentrer dans le jeûne 21 jours. Oui. Et quand j'étais rentrée dans le jeûne de 21 jours, et qu'il m'a montré ces chanteurs. Oui. Les chanteurs qui allaient en bord des mers pour contacter les esprits des eaux. Oui. Avec leur leur chanson qu'ils ont répétée sur le papier. Oui. Et là, il m'a il m'a fait voir un monsieur. Oui. C'est un chanteur. Oui. Et le monsieur portait... De quelle nationalité? Africain. Oui. Et ce monsieur portait les signes. Oui. Il m'a parfumé les signes. Oui. Après, j'ai vu les femmes qui l'accompagnaient. Oui. Les deux femmes qui l'accompagnaient. Les danseuses. Les danseuses mettaient des contacts. Oui. Sur leurs yeux. Oui. Pour séduire. Et à, pour séduire, au fait, c'est pour la séduction. Oui. Et après ça, j'ai le Seigneur m'a montré des signes. Et après, il m'a montré les ongles. Les faux ongles. Tous ces les ongles, les faux ongles. Oui. Les faux ongles. Oui. Les faux ongles. Donc, le Seigneur m'a fait comprendre que ces choses-là que nous mettons, en fait, ce sont les choses qui viennent de la scène des eaux. Oui. Ces choses-là, c'est pour la séduction. Et nous, les chrétiens, nous devons fuir ces genres de choses. Mmh. Bon, ma soeur, quelqu'un t'entend maintenant. Quelqu'un t'écoute maintenant. Il dit, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, moi, c'est ce que Dieu... Moi-même, ici que je suis, quand le Seigneur m'a appelé, je vendais des maquillages. Oui. Donc, tu étais, une mamie Nyanga. Je vendais au fait le mérité. Oui. Et je vais dire que même après que le Seigneur m'a appelé, oui. Je vendais ces choses-là. Oui. Et le Seigneur était venu dans un songe. Le Seigneur m'a parlé de laisser ces choses-là. Oui. Je n'ai pas écouté, j'ai dit la même chose. Oui. Que et c'est l'intérieur que le Seigneur regarde. Oui. Et un jour, le Seigneur m'a dit de prendre la Bible. Oui. Parce qu'en ce temps-là, je suis une prédicatrice, elle est une européenne. Oui. Elle mettait des maquillages et tout. Et moi, j'ai dit, Seigneur, ces gens-là sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je vais continuer à mettre ces choses-là. Oui, donc ça veut dire que cette prédication a été influencée par leur façon de s'habiller. Justement, mon frère. Mm. Donc, un jour, dans un songe, en fait, le Seigneur est encore venu. Là, il a ouvert mes yeux. Mm. Et avant même, cette nuit, il m'a dit de prendre la Bible. J'ai pris la Bible, je suis tombé sur Isabel. Mm. Là, le Seigneur me parlait, il me disait que je regarde la Bible à faire avant qu'on la vit. Oui. Et j'ai lu et j'ai vu que cet appel avait mis des maquillages, des phares aux yeux. Oui. J'ai dit, mais j'étais un peu choquée. Donc, tu n'avais jamais lu ça dans la Bible? Oui, j'étais choquée parce que, non seulement choquée, c'est que quand tu fais quelque chose et tu mets. Tu ne peux pas laisser, mais tu découvres la vérité, tu sais que c'est Dieu. Mm. Et je me suis dit que jusqu'à maquillage, c'est dans la Bible. Mm. J'ai dit, oh Seigneur, c'est compliqué parce que j'aime ça. Je me suis endormie et voilà, le Seigneur a utilisé cette femme-là que je regardais à la télé. La femme était venue maquiller comme parce que dans mon songe, j'ai vu la femme se maquiller comme Jézabel. Et le Seigneur prit comment Jézabel a mis les choses tout noires autour de ses yeux. Le Seigneur m'a fait voir Jézabel et avec le maquillage autour des yeux. Je suis choquée. Quand je me suis réveillée, j'étais vraiment choquée. Parce que dans le songe, je me suis vue aller vers les femmes et je leur disais que regardez mon visage. Je ne porte plus des maquillages et le Seigneur m'a refusé de faire des tissages. Oui. J'ai dit ça, comme ça, dans le songe. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais c'est quoi? Mais le Seigneur a continué à me dire que si tu veux me suivre, tu vas laisser toutes ces choses-là parce que ces choses-là ne viennent pas de moi. Et un jour, je me suis assise sur mon canapé et je suivais un prédicateur. C'était un blanc. Et ce prédicateur disait que sa femme, je ne sais pas si c'est par hasard ou bien quoi, le prédicateur disait que nous, les femmes, nous devons faire très attention à propos des maquillages. Oui. Parce qu'il y a des noms diaboliques qu'on donne au maquillage et que sa propre femme était une manager dans une compagnie de cosmétiques. Et elle l'a rapporté comment donner des noms vraiment qui viennent de l'enfer, vraiment, à ce genre de choses. Et j'ai dit, Seigneur, ce prédicateur que je viens de passer, c'est quoi? C'est coïncidence ou quoi? Et le Seigneur a commencé à me parler. Je dis, il faut que tu te dises ces choses-là. Ces choses-là ne viennent pas de moi. Ces choses-là, quand vous le portez, vous séduisez mes enfants dehors. Et ils tombent dans les péchés. Et le Seigneur m'a parlé beaucoup sur ces choses-là, mon frère. Moi-même, si on me dit de porter ces choses-là, je vais refuser. Et je disais toujours que les choses que le Seigneur m'a imposées à moi, je ne peux pas les imposer à quelqu'un. Je disais ça toujours, jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait rentrer dans le jeu de 21 jours. Et le Seigneur m'a révélé ces choses-là. Avant qu'il me révèle, avant que je rentre dans le jeu, le Seigneur m'a révélé les choses de péril. Oui. Et avant que je rentre dans le jeu, c'est là où j'ai compris que ce n'est pas des choses personnelles, mais ce sont des choses sataniques. Et nous, les chrétiens, nous devons comprendre que le Seigneur a dit que nous ne devons pas participer à la coupe du diable et participer à sa table en même temps. Oui. Donc, c'est ça la question, au fait. Ce n'est pas, oh, le Seigneur ne regarde pas le physique. Ce n'est pas ça. Mais tout ce qui appartient à Satan, appartient à Satan. Seigneur même a dit, donnez ce qui est à César, ce qui est à Dieu, à Dieu. Et je vais retourner encore dans ce verset qui dit, de participer au Satan et en même temps à la table du Seigneur. Oui. C'est pour l'inciter à la jalousie ou à la colère. Sommes-nous plus forts que lui? Sommes-nous plus forts que lui? Donc nous, en tant que les chrétiens, c'est notre Dieu qui nous a créés. Parce que premièrement, ce n'est pas l'auteur des faux ongles, parce qu'il nous a donné tous les ongles. Dieu nous a déjà donné les cils. Et Dieu nous a déjà donné les cheveux. Oui. Donc, pourquoi allons-nous prendre quelque chose qui est fait, qui est faux, oui, pour mettre sur nos têtes? Nous ne savons pas quel le point même de Dieu, c'est que nous, parce que je dois dire ça, le point, c'est pas que nous portons les choses, le point, c'est celui qui, l'esprit qui travaille derrière le Dieu. Le point, c'est la mentalité, la façon dont ce que ça fait, ça séduit. Le Seigneur, même si nous rentrons encore dans la Bible, Le Seigneur dit quelque chose. Moi, toujours ça m'effraie. Il a dit que si même on lui a posé des questions sur la communication, il a dit que moi, je vous dis, si seulement vous regardez seulement, vous avez déjà commis l'adultère. Nous, les chrétiens, nous devons savoir que le Seigneur nous regarde, nous qui sont comptés. Même si nous portons des choses et nous ne voulons pas prendre un accord. Mais si un homme nous regarde avec les yeux et ce homme devient hésité, nous avons commis le péché, nous avons participé au péché. Et j'interpelle à mes sœurs, moi-même j'étais dedans. Oui. Je vendais des mèches moi-même. Le jour où le Seigneur m'a dit, prends tes mèches et jette-les dehors. Dans un sens, je me suis couché, j'ai vu la sirène des eaux sortir dans ma maison. Oui. Ce sont des choses que moi, je ne peux pas plus garder parce qu'il y a des choses que le Seigneur me révèle. Je dois parler. Oui. Ma sœur, il y a des femmes, des pasteurs qui portent cela et des pasteurs qui disent qu'on peut sanctifier ça avec le sang de Jésus et on porte. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, ce que je vais dire, ce que Dieu m'a montré, c'est que ces choses-là ne viennent pas de moi. Point bas. Le Seigneur a dit que ce sont des choses qui séduisent. Même si nous portons, parce que j'ai vu le Seigneur m'a fait voir ce monsieur avec le fil sur les yeux qui se disait, les gens étaient là. Oui. C'est la séduction. Un chanteur. Un chanteur. C'est la séduction. Nous avons des chantres qui chantent dans les églises, qui font des choses. Nous aurons des comptes à rendre un jour. Nous aurons des comptes à rendre un jour. Moi, ce que j'ai dit, parce que moi-même, j'ai résisté contre le Seigneur. Parce que j'aimais toutes ces choses-là. Je me rappelle, quand j'ai commencé ma sanctification, plus ces choses, j'étais partie au mall avec toute ma famille. Et quelque chose m'a appris, je suis partie dans Sephora. Les gens connaissent ça, c'est la boutique qui fait des choses de cosmétiques. Oui. Mon frère, je suis rentré, je suis endormi. Le Seigneur m'a fait voir les gens qui m'ont vu, qui étaient séduits. J'avais vu des dépôts, j'avais vu des choses. J'étais terrifiée. Et le matin, le Seigneur m'a dit, tu prends toutes tes choses là, ta chambre, et tu les jettes. Et en descendant dans l'escalier, je suis tombée même. J'avais eu une plaie. Et j'ai compris que j'étais... Oui, la cicatrice est sur moi toujours. Et j'étais entêtée. Au soir, nous sommes appelés pour ce Seigneur. Ou soit, nous ne sommes pas. Je retourne toujours dans parce que moi-même, frère, la question dont tu m'as posé que est-ce que les femmes ou des pasteurs, moi-même, j'ai posé cette question. Je regardais ces prédicatrices. Oui. Et je disais au Seigneur, Seigneur, je sais que tu m'as appelé parce que le Seigneur m'a appelé. Oui. Le Seigneur m'a appelé, moi, je suis appelé et je te dis clairement, je suis appelé. Oui. Je suis appelé pour apporter ce que je suis. Et il n'y a pas dernièrement, même je me suis couchée et une femme a fait dans une sauce, était venue et il m'a dit, est-ce que tu sais, elle m'a appelé par mon nom, elle a dit que, est-ce que tu sais que tu es appelé? Et le Seigneur, non seulement le Seigneur était venu, ce ne sont pas les choses que je vais commencer à dire. Le Seigneur m'a appelé dans beaucoup de domaines. Oui. Et loin des domaines que je suis en train d'exhorter les femmes, c'est d'exhorter les femmes à être naturel, en fait. Oui. Et moi, je dis quelque chose tout de suite. Voyons les blancs. Mm. Ils ajoutent cheveux. Je vais apporter quelque chose que le monde entier va attendre aujourd'hui, oui. Seigneur. Souvent, le Seigneur me parle quand je lave mes assiettes ou quand je lave la maison. Oui. Parfois, le Seigneur vient me parler comme ça. Oui. Je me rappelle, je suis dans la douche et le Seigneur me disait, Sandra, est-ce que tu sais comment j'ai créé les femmes, les hommes de toutes les fleurs, tu vois? Voilà. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne sais pas. Parce qu'à propos de ce qu'on disait, c'est que tu as créé Adam et Ève, et ils ont fait des enfants, et la température a changé leur couleur. Oui. C'est pourquoi quelques-uns sont devenus les Africains, quelques-uns sont devenus les Européens. Oui. Le Seigneur m'a dit, non, ma fille, non. Je suis le créateur, je suis une artiste. Oui. Je vais te dire la vérité. Est-ce que tu connais l'ADN? Je dis, mais oui, Seigneur. Mm. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, vous, les Africains, parfois, dans une famille, simple, tu vois, quelqu'un va avoir un enfant. Et l'homme et la femme sont noirs. Oui. Mais ils font des enfants très blancs. Oui. Et ils disent, oh, et dans nos arrière-parents, il y avait un blanc qui était passé. Oui. Je vais t'enseigner sur l'ADN. Moi, le Créateur, le Tout-Puissant, en ce moment que je parle même de sans l'onction du Seigneur. Mm. Moi, le Créateur, le Tout-Puissant, moi qui aime la variété. Quand j'ai créé Adam et Ève, j'ai mis l'ADN des Asiatiques, des Noirs, des Blancs, des Indiens. J'ai mis ça en Adam. Oui. Et quand ils ont commencé à faire des enfants, ces ADN ont commencé à venir. J'ai dit, Seigneur, comment? Et là, le Seigneur m'a posé une autre question. Tu crois que quand tu regardes un Chinois, avec les formes de ses yeux, tu crois que la température peut changer le shape, c'est-à-dire la forme de ses yeux. Je vais te poser une autre question. Oui. Tu crois que la température peut changer la couleur des yeux de quelqu'un? Ma fille qui vient de... De quelqu'un, j'ai dit. On dit, je suis au téléphone. Donc, j'ai dit, mon Seigneur, il m'a encore posé, est-ce que tu crois que la température change les cheveux de quelqu'un? J'ai dit, non, Seigneur. Il a dit, regarde maintenant, regarde les arbres. Regarde leurs feuilles. Est-ce qu'ils sont les mêmes? J'ai dit, non, Seigneur. Sont... Regarde les fleurs. Est-ce qu'ils sont les mêmes? Oui. Seigneur, ils ne sont pas les mêmes. Et encore, il a dit, moi, le Dieu qui aime la créativité, je suis un grand. J'aime la variété. J'ai créé toutes ces choses. Et vous, les humains, si tu es noir avec un chien, c'est moi qui t'a créé. Si tu vois un Chinois, c'est moi qui l'a créé comme ça. Parce que je suis un grand artiste. Oui. Et puis la voix était partie. Deux jours ou trois jours comme ça après, je faisais l'étude biblique à la maison. Ma fille me disait, maman, mamie, tu dois laisser ça. On dit que c'est la température qu'on nous parle des choses à l'école. On dit que la température, c'est la température qui vous a changé, la couleur de la peau et toutes ces choses. Mais on va loin, on nous dit que nous sommes entrés par vivant et que nous sommes sortis par les singes et tout là. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que avant même que cet enfant pose cette question, tu m'as déjà donné la réponse. Mmh. Et j'ai commencé à demander, est-ce que tu connais la peine? Elle a dit, bien, maman. Et je l'ai expliqué. J'ai expliqué tout ce que le Seigneur m'a dit. Et ma fille a dit, non, ça, il met que 16. Mmh. Il met que 16. Parce que la température ne peut pas changer les yeux, les couleurs. Ne peut pas donner un chiffre aux mmh. yeux. Mmh. La forme, soit se ressemble à un comme une autre manière. Mmh. Les Indiens, on les voit, on les reconnaît. Et mmh. elle m'a dit, non, vraiment, Dieu, c'est un âme. Je voulais dire au peuple de Dieu que si surtout nous les femmes noires, parce que moi je suis noire, nous devons nous aimer comme nous sommes créés. Le Seigneur n'a pas fait un mystique en donnant cette peau et ses cheveux crépus. Aimons-nous comme le Seigneur nous a créés. Aimons nos peaux comme le Seigneur nous a créés. Aimons-les. Et le Seigneur se fait l'artiste des artistes. Se très content. Amen. Ne mettez pas quelque chose pour détruire l'art du Seigneur. Ne mettons pas quelque chose sur le visage pour cacher l'art du Seigneur. Ne mettons pas des choses courtes pour exposer l'art ou déformer l'art du Seigneur. Respectons l'art du Seigneur. Respectons quand honorons l'artiste qui est Jésus-Christ. Amen. Honorons-le. Acceptons les cheveux crépus. Acceptons nos peaux. Acceptons nos paupières. Acceptons comme nous sommes créés. Ouvrons. Mettons des choses appropriées. Du Seigneur Jésus-Christ. Que on soit que le nom du grand artiste soit loué. Il ne veut pas que nous portions des fausses. Sinon, il n'allait pas venir et dire. Il ne veut pas que nous portions les choses sur nos paupières. Sinon, la partie où Jézabel a mis les phares aux yeux ne sera pas dans la Bible. Soyons, réveillons-nous. Réveillons-nous, réveillons-nous, peuple de Dieu, sanctifions-nous. Le Seigneur est en chemin, il revient bientôt. Il revient bientôt. Ne blaguons pas avec Dieu. Il a bien dit clair, je vais encore revenir à cette verset. Ne participez pas à la coupe du diable et à même au table du Seigneur. Amen. Amen. De participer. Soyons, restons avec le Seigneur et participons à la table seule qui est la sanctification, qui est honorer le Seigneur dans toutes choses. Le diable est en train de faire beaucoup de choses. Le diable est en train de faire des choses. Des choses et le Seigneur nous ouvre les yeux. Fait que nous voyons ce que le diable est en train de faire pour détruire son peuple. Moi, je n'aime pas parler. Je n'aime pas du tout parler. Et le Seigneur a parlé. Le Seigneur me dit ce que je te dis, je veux que tu dis. C'est pourquoi je suis ici interpellé. Mes soeurs chrétiennes, sangles. Le Seigneur a déjà créé nos ongles. Prenez soin de nos ongles. Ils sont beaux. Ne mettons pas des faux cils. Nos cils sont bien. Tis Jésus-Christ les a bien créés. Laissons, aimons nos cheveux crépus. Il sait que c'est bon pour nous. N'allons pas prendre des choses que nous ne savons même pas là où ça vient. Ou bien il y a des tissages même qui disent que c'est que les Indiens ont donner à leurs idoles. Et après, nous prenons ça, mettre sur la tête. Nous incitons le Seigneur à la colère, ou quoi? Répentons-nous. Amen. Répentons. Donc, c'est tout. Que le Seigneur nous bénisse et que lui-même nous ouvre les yeux et nous ouvre notre intelligence afin que nous puissions les choses. C'est ça, mon frère. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié à de toutes façons. Sois béni, ma soeur. Sois béni, mon frère. Sois béni. J'ai quelque chose d'autre à vous raconter. Je veux que vous fassiez. Amen. Amen. Tout à l'heure. Ok, à tout de suite. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes. Ils traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes. Qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me remonte, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me remonte, fais de moi ce que tu voudras. L'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une